L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, on vous emmène dans un univers hors du temps, fait de rouages, de machines à vapeur et d'aventures rétro-futuristes. L'association Rencontres Intemporelles organise son deuxième week-end steampunk. Ce sera les 28 et 29 juin à Chaudnay-sur-Moselle. Et pour nous en parler, nous avons Patrick au téléphone. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous représenter, nous dire quelques mots sur l'association Rencontres Intemporelles ? Alors, l'association Rencontres Intemporelles est une association qui a été créée, ça va faire un an et demi. C'est une association qui tourne autour des mouvements costumés. Donc, nous avons organisé du vénitien, nous faisons du steampunk et nous faisons une entraide aux gens qui veulent créer des costumes dans ces univers-là. Donc, si des personnes qui nous écoutent veulent se lancer un peu et savoir comment créer de magnifiques costumes, ils peuvent se tourner vers vous. Ils peuvent se tourner vers nous, oui. Et là, donc, c'est la deuxième édition de ce rendez-vous autour du steampunk à Chaudnay-sur-Moselle. Comment s'est passée la première édition ? Eh bien, écoutez, la première édition s'est très bien déroulée. Nous avons eu une quarantaine d'exposants. Nous avons eu des vaporistes. Donc, les vaporistes, c'est les gens qui se costument, hein, qui venaient de Belgique, du Luxembourg ou même de la France. Hein. Et nous avons eu un très beau temps. Donc, nous aimerions que cette année, ce soit la même chose. Alors, qu'est-ce qui va attendre les visiteurs les 28 et 29 juin à Chaudnay-sur-Moselle ? Alors, on aura déjà, comme toutes les conventions steampunk qui existent, il y aura beaucoup d'artisans, des vrais artisans, des créateurs, hein, des gens qui font eux-mêmes leurs créations, c'est-à-dire qu'il y aura du cuir, du bois, du métal, enfin tout ce qui tourne un petit peu autour du domaine du steampunk, des bijoux, des vêtements, des chapeaux, tous des créateurs qui font un peu dans le domaine steampunk. Il y aura aussi des food trucks, il y aura des concerts, 2 concerts le samedi et 1 concert le dimanche après-midi. Puis des animations, et l'animation sur échasse, des petits théâtres, des choses comme ça. Donc on va retrouver bien sûr des passionnés de ces costumes, mais aussi des amateurs, des personnes qui ne connaissent pas cet univers. Donc vous allez vraiment toucher un public très large. Ah oui, il y a des gens qui viennent encore et qui ne savent pas ce que c'est que le steampunk et qui découvrent pour la première fois. Pour eux, steampunk, ils entendent le mot punk et ça fait un peu peur. Et quand ils découvrent pour la première fois l'univers steampunk, ils ne s'attendent pas à voir cet univers-là et ces gens costumés. Quoi. Quand on vous avait reçu l'année dernière, vous disiez que les costumes, ils évoluent tout le temps. Et c'est jamais figé. Oui, les costumes évoluent tout le temps. Les gens rajoutent toujours des accessoires sur leurs costumes ou se créent de nouveaux personnages ou améliorent leurs costumes. Mais c'est pareil, les vaporistes, donc les gens qui se costument, créent aussi leurs vêtements et leurs personnages. Et vous êtes dans cet univers-là depuis longtemps ? Alors moi, j'ai découvert cet univers en 2018 à Anno 1900, hein, qui est, le plus gros rassemblement steampunk du secteur. J'ai découvert ça en 2017 et j'ai décidé d'organiser le premier steampunk dans le Grand Est, on va dire, en 2018 à Panier derrière Barine. Et c'était le premier grand rassemblement steampunk qui s'appelait Doministeam et qui avait attiré pas mal de personnes. C'était une grosse découverte pour nous dans la région. Et qu'est-ce qui vous a fait tomber justement dans cette passion du costume ? Eh bien, c'est cet univers un petit peu rétro-futuriste où les gens se costument. On est dans la période victorienne, on est dans la période de Jules Verne, enfin, tout cet univers où la technologie et tout était encore tout à inventer. C'était tout une technologie à base de vapeur, d'engrenage, de ballons dirigeables. Et c'est un petit peu cet univers rétro-futuriste qui est plaisant. Ce week-end de steampunk, les 28 et 29 juin à Chaudnay-sur-Moselle, l'entrée est gratuite ? Bien sûr, l'entrée pour le public est gratuite. Bon, ben, les stands sont payants. Hein. Si les gens veulent acheter quelque chose, il faudra qu'ils amènent un petit peu de liquide sur eux quand même. Bien sûr, si on veut se restaurer sur place également. Oui, mais l'entrée est gratuite. C'est un univers très festif. Hein. Les gens viennent avec des bébés, des enfants. C'est très festif. Et c'est à partir de quelle heure Alors, le samedi, c'est à partir de 14h l'ouverture au public et le dimanche, c'est à partir de 10h. Et le samedi, nous faisons une nocturne parce qu'il y aura un concert un petit peu en nocturne qui va durer jusqu'à 22h30. Parfait. Bah, je vous laisse le mot de la fin, Patrick, pour donner envie aux auditeurs de venir à Chaulnes-sur-Moselle les 28 et 29 juin. Je vais demander aux auditeurs qui veulent voyager dans le passé, bah, qu'ils viennent nous faire un petit coucou à Chaulnes. Ils verront des costumes, des stands, des personnes admirables. Et on précise que Rencontre Intemporelle, vous avez une page Facebook, hein, si on veut aller avoir plus d'infos. Oui, c'est ça. Vous allez sur Rencontre Intemporelle et puis vous allez sur notre site et vous pouvez avoir plus d'infos. Et bien sûr, ça se repartage très facilement. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.